quitté en cette urgence. Un mât de briques, des structures, je suis binaire. La nature, les containers, le poison de ton absence. Les souvenirs dans la poussière, les passions de mon silence. Par ton regard, tu as su me sublimer. Il était trop tard quand je ne veux déjà rêver. Cette explosion de sensations, tu ne maîtrises sur la passion. Je tombe, je tombe. Tu es victime, l'oreille suprême, c'est dans le crime et dans les poèmes. J'aurais appris à te dire dans la passion, je t'aime, je t'aime. Tu es victime, l'oreille suprême, c'est dans le crime et dans les poèmes. J'aurais appris à te dire dans la passion, je t'aime, je t'aime. À chaque vie, chaque mystère, je vis ce que nous sommes. Éclaircis les péchés de l'homme dans la pâleur et le mystère de mon ombre. Impératrice de mes hivers, tu écris ce que nous sommes. Éclaircis les péchés de l'homme dans la douleur et le calvaire de mon ombre. De mon ombre, tu es victime. L'oreille suprême, c'est dans le crime et dans les poèmes que j'aurais appris à te dire dans la passion. Je t'aime, je t'aime. Tu es victime. L'oreille suprême, c'est dans le crime et dans les poèmes que j'aurais appris à te dire dans la passion. Je t'aime, je t'aime. Chaque vie, chaque mystère, je vis ce que nous sommes. Éclaircis les péchés de l'homme, ma pâleur et le mystère de mon ombre. Impératrice de mes hivers, tu écris ce que nous sommes. Éclaircis les péchés de l'homme dans la douleur et le calvaire de mon ombre. De mon ombre, tu es victime. L'oreille suprême, c'est dans le crime et dans les poèmes. J'aurais appris à te dire dans la passion, je t'aime, je t'aime. Le cœur victime. L'oreille suprême, c'est dans le crime et dans les poèmes. J'aurais appris à te dire dans la passion, je t'aime, je t'aime. Et qui t'a mormé, ça c'est la souffrance équilibrée. Mystère à la table articulée. Néant, tolérance, nous sommes tolérance. Et oh, nous sommes tolérants. Nous sommes tolérance. Et oh, nous sommes tolérants. J'intime les crimes périssables de tolérer. De tolérer la mouvance, j'estime bénéfice véritable, articulé, tolérant, nous sommes tolérants, c'est où nous sommes tolérants, nous. sommes tolérants zéro. Nous sommes tolérants. Nous sommes tolérants zéro. Nous sommes tolérants. Nous sommes tolérants zéro. Nous sommes tolérants. L'agonie de la sagesse. Couper les souvenirs automatiques comme un multivers. L'agonie de la sagesse. De la vie d'un geste creux, je me languis du voyage. Solitaire, l'agonie de la sagesse, tous les secrets que tu m'as appris, colle à mon multivers, l'agonie de la sagesse. Tolérance, mais c'est mon contraire, oh, de souffrance.